1. Comprendre une annonce. A. Dans les transports. Activité 1. Votre attention, s'il vous plaît. Le train numéro 4185 de 9h30 à destination de Lyon est annoncé avec un retard de 2 heures en raison d'une tempête de neige. Les panneaux d'affichage ne fonctionnent pas. Les passagers sont invités à se présenter au guichet A pour toute information. Vous pouvez aller dans la salle d'attente de la gare pour trouver des boissons chaudes gratuites. Pour avoir un bon de réduction sur votre prochain voyage, appelez le 01 85 67 60 00.